En fit, un bout de route, c'est pour toi, face. Check ça, Mac. Juste un bref temps, te dis que la vie c'est comme ça. Certains ne vivent plus le mal. Haïr son prochain, c'est pas bien. Aller jusqu'à causer sa mort, ça c'est grave. Trop bad, c'est pas pourtant ce que nous enseignaient les sages. Et mon gars, tu fais du tort, prétendant que t'es fort. Sache que ton sort il est proche, il viendra, je t'assure du fil. Aïe. Dieu nous voit.